Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On en apprend plus sur un autre grand nom du rock avec Simon Fitzbay. François Landry vient de parler de politique. Et c'est à assemblage requis et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est le jeudi 16 septembre 2010, c'est 7h12. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les requins. On a deux requins en studio. On a deux requins. Deux requins, oui. Deux requins, pas rouquines. Tantôt, ils vont nous parler de leur nouvelle émission, assez fou. C'est pas ce que j'ai entendu dire qu'elle allait faire. Ah, c'est cool. Ils ont l'air très contents de le faire. On a des requins gênés un peu. Oui. Mais il va falloir que ça se dégêne, parce que leur émission commence quoi? Ben, ils vont nous en parler plus tard. On cassera pas le punch, là. Tu laisses du suspense. Suspense! C'est un gros mystère, tout ça. Hé, hey, mystère Valère! Oh! Oh, hey! Spectacle hier à la Chasse-Galerie. Peut-être que... Ah! Tu... Fais pas ça, t'es non. Pas fin. Non, je suis pas fin. Bon. Je vais arrêter. Hé, hey, moi, je vais vous parler d'un serpent qui a été perdu au Cap de la Madeleine. Ah, ouais? Ouais. Un serpent. Ben, ouais, je vais vous en parler, mais un peu plus tard. D'accord. Aussi plus tard, une chronique CNX. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur Internet cette semaine. Hein? Pourquoi pas? On va voir une chronique C'est un fait avec tout plein de faits intéressants, dont un sur les flamants roses. Donc, flamants roses. Flamants roses. C'est winner. Comme sujet. C'est, pas, c'est attirant. Ça te reste dans l'oreille. Tu dis, je veux en savoir plus. Hein? Non? Comme le serpent perdu. C'est un peu ça. On a un phénomène avec Simon Fitzbay. Il va nous parler d'un autre grand nom du rock. On se rappelle qu'il fait une série sur les groupes ou les artistes qui ont influencé le rock à travers les années. On soit à François Landry avec Logocratie 101. Et aujourd'hui, il nous fait un retour sur la partielle dans Saint-Laurent. Et rentrée parlementaire, qu'y a-t-il au menu? Hein, c'est ce qu'on va savoir d'ici la fin de l'émission. Lui, François Landry, c'est dans la deuxième heure. Même chose pour Simon. Oui. Oui, tout ça commence à 8h. Mais c'est pas tout qui commence à 8h, il y a des choses avant. Hein. Oui, oui. Des fois. On va parler d'une nouvelle émission avant 8h. Ah, fuck, quand même. Il te lâchera pas, puis toi non plus, tu sais. Hein? on commence l'émission en musique, François. Qu'est-ce que t'as choisi? Oui, c'est... Jet, bonne pièce ce matin. Ça met le sourire sur les lèvres. Uh-huh. Mm-hmm. Ça t'envoie un jet en quelque part. Un quoi? Comme un spa. Oui. Jet. Ah là là. Jet. Oui. Jet. Oui. Spa. Elle est trop bon. Bonheur, Mathieu. Ok, excuse-moi. Not to me that way. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque nationale. J'ouvrirai pas son micro 2, non. Non. Non. Il y a comme une bébite qui arrête pas de chialer. Là. Ouais, c'est ça, un crime. Flashback de divorce. Non. Flashback de divorce. Non, mais regarde, crime, lâchez-vous. Tu la joues serrée. Oh, on se la joue. Ouais. Non. Tantôt peut-être. Mm-hmm. On a un peu faire des blagues que personne comprend. Parce que non. Personne sait qu'il y a deux filles dans le studio qui vont animer l'émission. On se la joue à partir de mardi prochain. C'est ça, exact. C'est ça. Oui, oh. Ben oui. Hey, si tu veux parler, c'est devant le micro. En plus, on les entend rire, tu sais. On va juste allumer les micros d'ambiance, juste pour au cas où qu'on entend des bruits en arrière. Tu sais, mettons que je te demanderais de parler, puis là, tu crierais quelque chose. Puis... Allez, prends le micro. On se la joue! Ah, bon. Donc, c'est ça, ça va être quand? Non. Hey, rien à faire, t'es en route. Je sais pas si c'est parce qu'il est 7h20. T'es une? Ou sont gênés comme ça, puis dans leur émission, ils ne parleront pas. Donc, ça va rester à voir. Ben, c'est la première émission de l'histoire de C'est fou qui est complètement en langage des signes. Oui, vous pouvez la suivre sur Internet. C'est ça. Tout à l'heure, on va faire une chronique, c'est un fait. Je vais vous apprendre plein d'affaires, moi. Plein d'affaires. Donc, c'était quoi la première publicité télé? Ooh. Very First One. C'est une grosse compagnie ou? Ben, tantôt. Tantôt. Nous autres, on a fait qu'annoncer des affaires qui sont venues plus tard pour qu'il n'y ait absolument aucun contenu. Là. Dans cette petite capsule parlée ici. Non, mais après ça, moi, je reviens avec le branle-bas de combat là, pour le serpent qui a été. Ouais, c'est ça, pas c'est maintenant. En fait. Non. Non. C'est vraiment un serpent. Ben, c'est ce qu'ils disent. OK. Ben, ils l'ont pas trouvé. OK. C'est une drôle d'histoire. Ben, étrange, pas mal. Des histoires qui se passent seulement au Cap de la Madeleine. Only in Cap de la Madeleine. Only. Hein? Eh, salut hein? Patrie. Hey, ben, je vais pas te le compter. Tu as dit beaucoup de détails, je trouve, pour ça. Un gars qui devait pas en parler tout de suite. On va entendre Winter Loves, une nouvelle pièce de leur album All Red. Voici We Need New Transportation au 89.1 FM. C'est fou. Winter Loves et We Need New Transportation à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Oui. On prend une petite pause, puis après ça, ben, on revient avec ton histoire de serpent, puis là, à un moment donné, arrête de remettre ça plus tard, hein, procrastination. C'est parce bon, qu'à un moment donné, ça va faire. Tu me mets au pied du mur? It's gonna do! Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou! Detox, en collaboration avec Sifu, désire t'envoyer à Chicago au Rock'n'Roll Fantasy Camp pour pratiquer, enregistrer et performer avec de vrais rockstars. Pour t'inscrire au concours, visite le site des boutiques Detox au d-tox.com. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au qtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec F.O. et Mathieu. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h. C'est fou! François. Hey! François, on arrête les blagues. On est de retour. Ouais. C'est pas lui qui a commencé, hein, je te ferai remarquer. Mathieu Plante. Ben, François-Olivier Marchand. Les requins à la maison, en voiture, peu importe. Peu importe. J'essaie d'englober tout le monde, là, tu sais, puis les filles, on se la joue. Puis tout le monde est comme se sent inclus dans l'assemblage requis, qui est un grand casse-tête rempli de morceaux des plus. Fantastiques. Des plus croches. Ils sont durs à insérer. C'est comme, tu sais, t'es sûr que t'as ce bon bord, mais t'es pas ce bon bord, là. T'essayes, mais tu te dis, il est... non, non. Non. Non. Eh. Serpent. Ben, c'est plein. Serpent et échelle, parlant d'un autre jeu. Serpent et échelle. Eh oui, les policiers ont été dépêchés dans le secteur Cap-la-Madeleine hier. Il y a une locataire, en fait. Je ne vais pas dire un locataire quand c'est une locataire. Ouais. Au 435 la rue Patry, la dame, en fait, disait avoir trouvé un serpent dans son appartement. OK, mais là, il faisait pas noir, puis c'était pas dans sa chambre à coucher. C'était... c'était dans sa chambre? Ah! Crime, t'es au courant ou? Ben, je... non, je sais pas. Ah, c'est ça. Ben, deux agents de la police ont passé plus d'une heure trente à fouiller l'appartement. De fond en comble, à la recherche du serpent, et impossible de trouver l'animal. Ils ont eu comme hypothèse que le serpent se serait sauvé par où il est entré. Je trouve ça un peu louche. La créature n'a laissé aucune trace de son passage. La propriétaire de la bâtisse qui était sur place pendant la fouille, elle disait qu'il n'y avait aucun locataire, donc qu'il y avait des animaux de ce style-là. Donc, elle trouvait ça un peu farfelu, la venue d'un serpent dans son bloc appartement. Évidemment, la SPAM, Société protectrice des animaux de la Mauricie. Spam! Oui, spam et non pas les spams qu'on reçoit dans... Et non pas le CAM, parce que tu sais, il y a d'autres pays... Calme. Le CAM s'appelle du spam, ça, c'est une sorte de viande. Spam, mais spam c'est pas les pourrières, là? Oui, oui, mais ouais. C'est aussi une sorte de viande. Ce qu'on appelle ici le CAM. Ailleurs, ils appellent ça le spam. C'est du... Le cam, je sais même pas c'est quoi le cam. Du cam, tu sais pas c'est quoi du cam? Mais du cam, c'est du jambon dans. Mais oui, mais oui, que tu sais, avec une petite genre de, ouais. De vis, de clé. Ouais. Puis là, tu ouvres ça, puis tu mets ça dans la poubelle directement. Ouais. Je t'avoue que j'en ai jamais vraiment mangé, là. Mais c'est bon? Non. Non? Non. Ok, bon, ok. Ça peut être bon pour certains, mais moi non. Bon. En D peut-être. Hein? En D. En D? Oui. Dans une salade? Salade de D de cam. Bon. Il aura pas à la cantine à tous les jours, ça va te donner de calme. Non. Non. Non. Serpent? Un locataire. Oui, c'est ça, on revient sur le serpent. Un locataire a raconté avoir aperçu un serpent enroulé dans une pièce de son appartement, mais avoue ne pas avoir voulu s'en approcher pour voir de quoi il avait l'air. Hey, désolé. Un petit problème ici. Elle affirme qu'une voisine a été témoin de la scène, mais sans plus. En fait, la police n'a rien trouvé. Et le serpent n'a pas été retrouvé. Finalement, elle a quitté son appartement. Ok, elle est déménagée. Peur de représailles du serpent. Mm-hmm. Donc, c'est un peu l'histoire, c'est un peu farfelu. Oui, si c'est vraiment un serpent. Si c'est vraiment encore un serpent, des fois. C'est une théorie, ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quelque chose de peut-être écailleux, qui s'est caché après le temps, qui est sorti d'où il était, qui est dans la chambre à coucher. Qui était un boyau. Ça, là, tu vas trop loin, par exemple. Je pousse vraiment trop. Je pousse beaucoup trop la note. C'est ce qu'elle disait aussi. Donc, c'est ça pour le serpent qui n'a pas été trouvé. OK. Cool. Bref, si vous trouvez un serpent, appelez-nous. Hein? On va envoyer Roxane. Mm-hmm. On va le trouver. Ah. On écoute Mister Valar qui était en spectacle hier. C'était en cœur, ça. Coeur. Qui était en spectacle hier au 10-12 Néré-Beauchemin, ici à l'université. Spectacle avec Prodige Galsen. Beaucoup de personnes. Baobab. Oui, pour Mister Valère. Sont venus voir le spectacle. Par contre, je n'ai pas le chiffre exact. Et puis, une source à l'interne du studio m'a dit c'est Roxane Gagnon. Gagnon se la joue. C'est son nom de famille, c'est Roxane Gagnon se la joue, ça. Qui, en 2010, les noms de famille, tu sais, c'est n'importe quoi. Baroblique ne veut pas parler. Oui, c'est ça. Elle est un peu gênée. Oh, elle a la grippe. Mais François-Olivier a aussi la grippe. Oui. Il parle depuis le début de la semaine. Ça sonne pas terrible, mais quand même! Merci, Mathieu. C'était bon pour la confiance. Je sais pas ce qu'on disait. Mister Valère. Mister Valère, oui, c'est ça. Mais les groupes avaient aspiré à pas beaucoup de personnes. C'est plate pour les groupes de la relève, mais ouais, que ça. Voulez-vous? Tout le monde passe par là, je pense. Ben, la plupart des groupes, même les gros qui passent par ici, passent par là, en fait. Ouais, mais c'est... Mais là, c'est le mercredi, ça aurait pu changer un peu, tu sais, à cause que là... Mercredi, ben, s'il y avait beaucoup, beaucoup de monde... Mais il était pas là pour Mister Valère, nécessairement, c'est ça? Il arrivait juste plus de bonne heure pour le mercredi du 10-12 normal, ça. Si je comprends bien, si on... Ben là, on dirait que t'inventes des trucs, là. Je sais pas, c'est ce que j'entends dire. Non, il y avait beaucoup de personnes pour le spectacle okay. De Mister Valère. Cool. Signe de tête en approbation. Super. D'accord. Donc, on va les écouter tout de suite avec une pièce qui s'appelle Gumshoe. Il y a un nouveau vidéoclip pour ça qui s'en vient bientôt. Hey, puis de tournée en ce moment. Oui. Ouais, j'aurais aimé ça qu'on change de pièce. Mon Monster Dante, hein? Non? On n'a pas juste. On l'a fait jouer hier, genre. Ouais, mais, okay, mais t'es c'est... excellent. Ok. Bon, mais Danny aussi l'a fait jouer, et puis. Ben, Colin, hein, on va tout le temps jouer même tune. Oh. Parfait. Fais donc jouer la Sega. Non, ça va. Monster Dante, Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. Et puis, on fera. Attends! Hey, vous allez me trouver vraiment super sympathique de faire ça, là, parce que moi, je trouve que ce serait vraiment le moment approprié. Tant qu'à faire n'importe quoi aujourd'hui, puis parler de gens qui sont en studio mais qui sont pas au micro, arrêter tout le temps, dire les mêmes affaires, mais dans le fond, rien faire, puis c'est comme tout le monde est vraiment content. On va y aller avec mon super bloc que t'adores, je le sais, parce que je l'ai créé juste pour ton propre plaisir. On se fait un petit bloc. Ben, brise le punch avant que je le dise. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, non, je sais pas. C'est pas... je sais plus. C'est le bloc, il était deux fois. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Un bloc que j'ai créé juste pour toi, c'est une toute nouvelle idée. Ça n'a jamais été fait, ça là. Mais tu peux pas dire que je suis pas la game, par exemple. Ouais, parce que tu l'as vu venir. Oui. T'es le serpent. On va entendre deux pièces de Mister Valère. On va entendre deux fois. Tantôt Gumshoe featuring Benny Barbecue, mais on commence avec Monster Dante. En fait, on va commencer avec celle de Roxane, je trouve, parce que toi, tu t'es comme imposé un petit peu, fait que tu iras. Mais Roxane ne s'impose pas dans le sens où elle ne parle pas. J'avoue, hein. Bon, mais on va jouer les deux en deuxième fois. OK. OK? On jouera pas de première pièce. Parfait. Hey, c'est Batman et Robin. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Don't give up. Assemblage requis sur C'est fou. C'était le bloc, il était deux fois à Assemblage Rocky. Deux fois. Deux fois, drop-moi ça. On va entendre, c'était mieux dans la chanson originale que quand je le dis. Drop ça. Un petit peu, ouais. Drop ça. C'était Monster Dante, précédé de Gumshoe featuring Benny Barbecue de Mr. Valar sur leur album Golden Bombay. Mr. Valar qui était ton spectacle hier. Hier. Au 10-12. Pen 12. Je comprends pas. Sinon, c'est 10-12 en anglais. C'est le même que les étudiants appellent ça. C'est comme. Tu veux partir une mode? J'aimerais ça partir une mode, bon. Mais qu'est-ce que tu dis? 10-12. 10-12! 10-12. 10-12? 10-12. 10-12? 10-12. Okay, okay, pas vite, t'es vraiment pas vite. Je suis grippé, Mathieu, arrête de me juger. Arrête de mettre ça sur le dos de ta grippe, là. T'es juste pas vite. Non? Je vais te vexer, là. Ça va pas bien, là. Là t'as de la haine contre moi, là. Ouais. T'as l'air de m'haïr pas mal, là. Sais-tu ce que je vais faire pour te faire plaisir? Non. Un petit peu plus. Non, c'est pas. Non. Un petit peu plus tard, je vais te faire une chronique, c'est un fait. Je sais que t'aimes ça. Tu dis ça comme si c'était bon. C'est ça. Mais avant ça, un plus gros cadeau pour toi, parce que ça, je suis comme vraiment yeah, ça. C'est très Dead bon, Man's ça. Bones. Ouais. Oui. Tu vas parler du Dead Man's Bones. My buddy's a zombie for you. C'est ça. J'ai de la misère avec le titre de la avec pièce. Les lettres de ouais. L'alphabet à cause du rhume. Ha ha ha. Zombie for you. Bon, allons écouter ça. Au 89 FM, c'est fou. Je vais finir avec un œil au bord noir d'ici la fin de l'émission, moi. Ça s'en vient. Ouais. Dead Man's Bones. Très bonne pièce. Ça finit un peu bizarre. Ça finit longuement. Long. Mais c'est un peu leur style, oui. Ça entraîne tout le monde à taper des mains. Je le dis, ça. Dead Man's Bones à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Émission que les parents et les enfants peuvent écouter ensemble. Sauf quand on fait des très, très mauvaises blagues à caractère un petit peu... Mais dans ce cas, les enfants ne les comprennent pas, donc ça devrait être... C'est vrai, ça. Il y a beaucoup d'émissions, je trouve, pour enfants, il me semble, qui font vraiment des blagues super, super intenses, vraiment. Puis ça passe par-dessus la tête, c'est le fun. Hein? Tu décrottes-tu l'oreille en ce moment? Hey, t'arrêtes. Arrête, Mathieu, là. Ouais? Arrête de m'insulter comme ça. OK, excuse-moi. Voici la chronique, c'est un fait. rien qu'arrêter de faire des niaiseries si je veux pas que j'en parle. Donc, c'est un fait, François. Je vais t'apprendre des choses que tu vas pouvoir partager avec les gens. Je suis sûr que ça va être full intéressant. Ben, ce l'est toujours, François. Voyons donc. Effectivement, Mathieu. Ben, tu vas aimer celui-là, que les enfants aussi vont adorer, j'en suis sûr. Le plus grand animal du monde, la baleine bleue, a aussi le plus gros pénis du monde. Oh. Ben, quand même. Son membre... Il y en a qui trouvent ça drôle. Ouais, les enfants, tu sais. leur membre peut aller jusqu'à 8 pieds. Attends, va voir. Tu sais, 8 pieds. C'est plus grand que... Ça nous précise vraiment que c'est plus grand qu'un joueur de basketball professionnel. Ouais, c'est vrai. Aussi, son cœur est de la grosseur d'une voiture et chacun de ses poumons pourrait avoir à l'intérieur un bain. Mais c'est bain. Énorme. C'est carré. Leur bouche peut tenir jusqu'à 100 personnes à l'intérieur et ils mangent 4 tonnes de poissons par jour, ce qui est l'équivalent de 64 000 hamburgers. Hein. Hamburgers? 64 000 hamburgers. C'est bien. C'est énorme, ils font juste ça. C'est beaucoup. Savais-tu qu'il y a un flamant rouge? Ils font juste ça. Savais-tu que les flamants roses, je pense qu'ils sont roses, les flamants. Flamants roses. Rose? Rose. Mangent avec la tête à l'envers. Ils mettent leur tête à l'envers dans l'eau et puis ensuite ils balaient leur tête d'un côté à l'autre pour ramasser de la nourriture. Oui, je fais le mouvement de la main. Sa bouche, qui a une drôle de forme, filtre les saletés et d'autres objets qui ne seraient pas mangeables dans la nourriture. À cause, ils utilisent des genres de mandibules poilues. Et qu'est-ce qu'une mandibule poilue? C'est des poils. Dans la bouche. Dans la bouche. Un poil dans la bouche. Okay. Un poil dans la bouche. Ouais, ce qu'il mange, vous me demandez sa diète, en quoi ça consiste? Des petits organismes tels que des crevettes, de l'algue, des algues. Moi, c'est ça. Ça dépend de la grosseur et de la forme de sa bouche, en fait. C'est bien, hein? La première publicité télé a été diffusée le 1er juillet en 1941. C'était la Boulevard Watch Company, une compagnie de montres, qui a payé 9$ pour diffuser une publicité avant une partie des Dodgers contre Phillies. Oh! Interesting. Savais-tu que Elijah Wood, tu connais l'acteur Elijah Wood? Non. Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Il y a des beaux yeux. Tu sais, les filles font tout. Les yeux sont tellement. Hein? Les yeux. Ouais, c'est ça. C'est le commentaire qu'on entend. Elijah Wood a fait son grand début au cinéma dans Retour vers le futur 2. Oh, OK. Invasion, par exemple? Ben oui, il était le petit gars qui jouait dans l'arcade. Il jouait à Wild Gunman au Café 80s dans Retour vers le futur 2. Quand même. Savais-tu qu'une autruche mâle peut faire jusqu'à 9 pieds de haut? Ça, c'est quasiment là, un joueur de basketball et un huitième de plus, genre. Si on veut préciser en termes de... Parce que, tu sais, on comparait des hamburgers avec des bains et avec des joueurs de basketball. Hein? C'est... OK. Continuons avec nos super, super faits. Savais-tu que les petits capuchons, genre, les dessus des bonnes fontaines... Oui. Ouais, tu connais les bonnes fontaines. Oui. Ils sont peinturés d'une certaine couleur pour dire aux pompiers comment il y a de pression d'eau de disponible dans la bonne fontaine. C'est vrai? Incroyable. Ouais. Ben oui. Le cheerleading, tu connais ça? Il y a une nouvelle équipe des Patriotes. En fait, ils ramènent cheerleaders cette année encore. Bon? Oui. Ouais. Il y a des cheerleaders dans les Patriotes. Au début, c'était un sport pour les hommes seulement. C'est vrai. Les filles ont été ajoutées plus tard quand ils avaient besoin de personnes plus petites et plus légères pour envoyer voler. Ah, c'est un peu spécial, alors. Mais c'était des hommes qui dansaient pour une équipe de... C'est ça. Oh. Et voilà. Savais-tu que les papilles gustatives ne sont pas que sur la langue, t'en as aussi sur le palais et même à l'avant de la gorge, toi? À l'avant de la gorge? À défaut d'avoir des mandibules poilées. Hey! Oh, la Statue de la Liberté est sur Liberty Island, tu savais peut-être, l'île de la Liberté, si on veut. Oui. Hein? Mais quel était le nom de l'île avant que la Statue de la Liberté arrive là? Je sais pas. C'était l'île de Bedlow. Ça veut rien dire, on s'en fout, c'est l'île de Bedlow. Ça avait juste pas vraiment rapport. Le vrai nom de la célèbre statue, la Statue de la Liberté, c'est pas The Statue of Liberty, c'est Liberty Enlightening the World. C'est comme ça que ça a été nommé par son sculpteur Frédéric Bartoli, hein, qui a d'ailleurs, on dit, fabriqué cette statue-là selon l'image de sa mère. OK, sa mère ressemblait à ça. Ben, apparemment. Apparemment. Savais-tu que Crayola, ça veut dire oily chalk ou encore de la craie huileuse? Ça vient vraiment littéralement du mot français craie. Crayola, craie, oui. C'est vrai. Et Ola, qui est une abréviation. Le mot est tellement facile. Abréviation pour oleaginous ou encore huileux. Si t'as 3 25 cents, 4 10 cents et 4 cents, tu vas avoir 1,19$ et c'est aussi le plus gros montant d'argent en pièces que tu peux avoir sans être capable de faire de la monnaie si on t'échange 1$. T'essaieras ça, puis tu me diras ce que t'as. Ben, d'après moi, ils comptaient pas les 2$ en pièces. Non, c'est ça, ben c'est ça. Mais au Québec, tiens, 2$. Québec. Pourquoi on a des pièces de 2$? Expliquez-moi ça, quelqu'un, tiens. Ben, pour plus l'avoir en papier, là. Ouais, je sais, mais pourquoi avoir un 2$ de papier, t'sais? Tu peux avoir juste 2 fois 1$ aussi. Ouais, mais... Ben oui. Ben, c'est comme... si on part de cette réflexion-là, pourquoi il y a des, des 10$, tu sais? Ah ouais, mais là, c'est parce que ça, c'est une plus grosse dénomination. Entre 1$ et 2$, pas grande différence, hein? Ben là, c'est quand même le double. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi il n'y a pas de 4$ là-bas? Ben là, c'est ça. Ben c'est ça. Ça pourrait s'assiner longtemps. Ben je sais bien, c'est ça qu'on fait. Hein. C'est un petit peu long, tu sais. Dans une vie moyenne, une personne va marcher l'équivalent de 5 fois autour de l'équateur. 5 fois dans ta vie. 5 fois. Pas moi, mais toi, mais oui. Oh, non, une personne normale. Certainement pas Mathieu Plante. C'est ça. M'a roulé sur ma chaise l'équivalent de 5 fois l'équateur. Sais-tu que le prénom le plus commun dans le monde, et je vais t'apprendre une grande, grande surprise, le prénom le plus commun dans le monde est Mohamed. Oh, ok. Personne n'a vu venir, hein. Mohamed Ali. Comme le boxeur. Ben oui. Et karaoké, savais-tu que ça voulait dire orchestre vide en japonais? Non, je ne savais pas. Fait que c'est ça. Oh, c'est terminé? Ben oui. Vite de même, tu sais. Vite de même. Ouais. J'aimais ça, Mathieu. Merci. C'est intéressant. C'était bon. C'est tout des faits que personne ne sait. Puis que personne ne va retenir. Exactement. J'aime ça de même. C'est ça, assemblage Ricky? Ben oui. 7h54, mon ami? C'est bien des affaires, assemblage Ricky. Oui! 7h50, ben 3, 4, 4? Ben moi, j'ai 4. Moi, j'ai 3. Oh. On va se battre là-dessus. OK. C'est ce crayon-là. Écoute, on peut attendre un peu que ça change au 4 pour le tir. 7h54. Ça y est, on s'entend bien. Ah, quelle émission. Quelle émission mémorable, je dirais. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage Requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Assemblage Requis qui est présenté par... La Banque nationale et le service aux étudiants de... L'UQTR. Exactement, Mathieu. L'UQTR. L'UQTR. Non, l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est ça. C'est ça. Faut dire au complet. Faut dire au complet. On va entendre une pièce de The 88. Est-ce que tu connais The 88? C'est super bon. Ça. Non. Voici Sons and Daughters. We'll be right back. The 88 avec Sons and Daughters, Assemblage Requis. On joue ça, Assemblage Requis, ensemble? Assemblage, on joue? On joue! OK, qui c'est qui est François, qui c'est qui est Mathieu? Moi, je suis François Olivier. Moi, c'est Mathieu Plante. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Merci d'être avec nous. Il nous en reste une deuxième. Tout à l'heure, on va avoir François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Aujourd'hui. Simon. Oui, Simon Fitzbé, ben oui. Logocratie 101 cette semaine, retour sur la partielle dans Saint-Laurent et la rentrée parlementaire. Qu'y a-t-il au menu? Simon Fitzbé, lui, comme toujours, va nous parler d'un grand nom du rock. Les gens qui ont bâti le rock, nous, on bâti votre journée à partir de matériaux de qualité. Ils sont souvent après 8 heures. Et puis lui, il construit l'histoire du rock. Voilà. Assemblage Requis. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus, alors reste avec nous. Voici maintenant votre capsule Info Campus. Le Bureau de la réussite étudiante vous propose un tout nouveau service, le Centre d'aide en français, le CAF. Il s'agit d'un service qui aidera les étudiants de l'UQTR à consolider leurs compétences en français. Patrick Hamel, coordonnateur du centre, explique. Le Centre d'aide en France veut aider les étudiants de tous les bacs à l'UQTR à parfaire leurs connaissances linguistiques au niveau de la grammaire, de la rédaction et de la communication orale. Tout ça est offert par des étudiants à l'université aussi. Si vous êtes intéressé à vous impliquer pour la cause de l'environnement, sachez que le Bac Vert est présentement en recrutement. Toutes les personnes qui sont intéressées à s'investir peuvent contacter Bac Vert en tout temps à l'adresse électronique bacvert@hotmail.com. À compter du 27 septembre, vous êtes invité à assister un lundi sur deux à des tables rondes sous le thème « Viens luncher avec un député » organisé par l'AGE UQTR. L'événement se tiendra à la Chasse-Galerie de 11h15 à 12h30. On écoute Mabouama Djibillard à ce sujet. Donc l'idée est de rapprocher donc, l'étudiant du politique, histoire de voir, discuter, juste échanger sur c'est quoi la perception que chacun a de la politique et les différents grands enjeux. Les acteurs politiques présents qui sont Yves-François Blanchet, Gérard Deltel, Amir Kadir, Noé Lachampagne, Daniel Saint-Amand et M. André Gabias n'ont pas le droit de venir prôner leur idée, leur partisanerie. C'est-à-dire qu'on ne vient pas là pour faire de la partisanerie, c'est juste échanger véritablement avec les étudiants. Et au Vox Pop cette semaine, nous vous avons questionné à savoir si vous fréquentiez la galerie R3 du campus de l'UQTR. Je la fréquente pas parce que je me reconnais pas là-dedans. C'est la deuxième fois, puis c'est souvent dans des cadres des cours en art. J'y vais pas parce que ça m'intéresse pas vraiment. C'est la première fois aujourd'hui, mais c'est éventuellement, j'espère revenir plusieurs fois au cours des cours, puis même en dehors des cours aussi. Non, j'y vais pas, je sais pas c'est où, j'en ai jamais entendu parler. C'était votre capsule Info Campus. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Vendredi 17 septembre, dès 17h30 au CAPS de l'UQTR. Tailgate de la rentrée avec nos patriotes. Apportez votre barbecue, vos consommations et vos amis. Venez fêter la nouvelle saison de nos patriotes soccer. Prix de présence et animation. Vendredi le 17, c'est mon tailgate de la rentrée. Moi, je suis patriote. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. Il est 8h03. François-Olivier Marchand est toujours là. Toujours. Et Mathieu Plante avec vous. Toujours là aussi, Mathieu. J'espère que les requins sont là et qu'ils s'amusent. Tout à l'heure, on va avoir Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène. Et aujourd'hui, il va nous parler de Jerry Lee Lewis, mais j'ai confirmé avec lui pour être sûr que c'est pas Jerry Lewis. Parce que Jerry Lee Lewis, tantôt. Pour l'instant, on écoute Vulgaire Machin. Voici Texture qui se mange au 89.1. Vulgaire Machin avec la pièce Texture qui se mange à l'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, hein, François? Ben oui, Mathieu. Ben oui, ben je sais bien. Là, tu me disais ça, puis moi, j'étais comme, ben je le sais bien. Fait que là, tu me disais, ben je le sais moi aussi. Fait que là, tout le monde le savait, fait qu'on parlait de rien, finalement, t'sais. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on amène du contenu une fois de temps en temps, t'sais, pour élever vraiment la qualité de l'émission, comme toujours. Et puis, un homme qui sait élever la qualité parce que lui, il s'entraîne avec ça. Il est là, puis il lève. Il s'entraîne avec la qualité. Avec ses bras, non? C'est pas ça que tu fais, ça? Non, je lève la qualité. Tu lèves de la qualité? Ouais. C'est quoi pour toi de lever de la qualité? On est à la radio, hein? Ouais. Pas obligé de le montrer. Ah, oh oui! Oh! Wow! Wow! Oh! Du thème original. Oui. À la demande générale de Mathieu Plante. Ben, à la demande générale de tout le monde qui trouvait la chanson thème excellente. Et là, une nouvelle version de ça. Oui. Ça brise des briques. Ça casse du béton. Ça... C'est fort. C'est fort. Ah, c'est ça. Beaucoup mieux dit. C'est très fort. C'est ça. Donc, ta chronique Phénomène, encore une fois, aujourd'hui, qui nous parle des grands noms du rock, qui fait l'historique de comment le rock a été... Et oui. créer. Si on... c'est une grande biographie du rock en pièces détachées. C'est un lien, ça. Ben oui. Avec des morceaux de qualité, on l'espère. Mmh. 100% bio, toi aussi? Oui, 100% bio, toujours. Qui gratte le fond de la gorge quand il mange? Ouais. Hey, ça aurait été un bon nom de chronique, ça. Vraiment. Qui gratte le fond de la gorge? Non, 100% bio. Ah, OK. Mais peut-être une autre fois. Moi aujourd'hui, je viens vous parler de Jerry Lee Lewis, donc qui est un pionnier du rock'n'roll, un des premiers blancs à se donner à ce style de musique, qui était généralement noir à l'époque. J'avais parlé de Chuck Berry la semaine dernière, qui était reconnu comme étant un peu comme le père ou le grand-père du rock'n'roll. Et aussi, donc, on peut parler d'Alan Freed, qui est le premier animateur de radio à utiliser le terme rock'n'roll, qui a donné ses lettres de noblesse, donc au style, en faisant jouer les grands noms du style rock'n'roll. Un peu comme Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, c'est un gars qui a connu également une vie de vedette pendant quelques années, mais un scandale vint pratiquement détruire sa jeune et resplendissante carrière dans le rock'n'roll, et c'est ce qu'on va donc voir aujourd'hui un peu tout le début de la carrière de Jerry Lee Lewis. Parce que Jerry Lee Lewis, comme Chuck Berry, est toujours en vie. Il va avoir 75 ans très très bientôt, puisqu'il est né le 29 septembre 1935 dans la paroisse de Concordia en Louisiane. Et là, on dit paroisse, c'est très important, on va y revenir tantôt, pourquoi que je souligne que c'est la paroisse de Concordia. Dès son jeune âge, il s'intéresse à la musique et apprend le piano avec ses cousins. Ses parents étaient des petits fermiers, ils vont même aller jusqu'à hypothéquer leur ferme pour acheter un piano au jeune Jerry. Et sa mère, donc, l'inscrit par la suite dans une école religieuse baptiste afin qu'il joue et ne chante que les chansons du Seigneur. Parce que c'est très important pour les baptistes. On sait qu'ils sont assez religieux à l'os. Ça l'empêche pas quand même, le jeune Jerry Lee, de réaliser des versions boogie-woogie des chansons d'église. Le boogie-woogie est un peu comme la musique du diable à l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va se faire mettre dehors de l'école à peu près en 1953-54. Il approchait de toute façon la fin. Il était déjà devenu un adulte. Il était vu donc comme un suppôt de Satan parce qu'il avait joué des versions boogie-woogie des chansons catholiques. C'est déjà quelque chose. Donc, après cet incident-là, il va se déplacer vers le Mississippi pour jouer dans des clubs et s'imprégner de la culture rock'n'roll qui bourgeonnait à cette époque-là. Il enregistre son premier démo en 1954 et il alla ensuite à Memphis en 1956 pour passer une audition pour les gens de Sun Records. Pour ceux qui ne connaissent pas Sun Records, c'est entre autres la maison qui a signé Johnny Cash, qui a signé Elvis Presley, ainsi que Carl Perkins. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Il débute à enregistrer des pièces solo en tant que musicien d'accompagnement la même année chez Sun. Et d'ailleurs, le 4 décembre 1956, alors qu'il enregistrait avec Carl Perkins, qui est un très grand nom de la musique du rock'n'roll, mais aussi du R&B de l'époque, Elvis Presley a décidé de venir faire un bond chez Sun Records, tout simplement pour dire bonjour. Et Johnny Cash était aussi dans le coin. Donc, les quatre se sont réunis dans le studio et ils ont décidé d'enregistrer des pièces, une de chacun, des petits enregistrements pour le fun. Et ça a donné le Million Dollar Quartet. C'est un album qui est sorti par la suite, plus tard dans les années 60, peut-être même 70. C'est reconnu comme étant quatre légendes du rock qui s'adonnent à faire la musique. Bon, du rock et du country, si on considère plus Johnny Cash comme musicien country, ce qui est mon cas. Et par la suite, donc, Lewis qui devient un chanteur de plus en plus prolifique avec des hits tels que Roll Lotta Shaking Going On, ainsi que Great Balls of Fire. Il réalise d'ailleurs un hit en interprétant la chanson Great Ball of Fire au Steve Allen Show. Et afin de choquer l'audience, il mit son piano en feu à la fin de sa performance. Mais il continue à jouer. Il n'avait pas fini la tourne, il a allumé une allumette là, sacrée dans son piano. Et il s'est mis à jouer du piano en feu. Wow. Great Balls of Fire, qui serait d'ailleurs la première pièce qu'on pourrait aller écouter dès maintenant. Une petite pièce de 1 minute 50, franchement génial, du bon petit rock'n'roll pour ce matin. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was funny. You came along and woo. I've changed my mind, this love is fine. And the rest is just great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got you tell this world that you're mine. I teach my nails and then I twitch all my thumbs. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. In this groove, it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. It ain't you, my hell, and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. But in this great, it's just great balls of fire. Jerry Lee Lewis, j'ai tout le temps la misère à prononcer son nom complet. On a envie de dire Jerry Lewis comme le téléphone. Ouais, Jerry Lewis, exactement. Qui a d'ailleurs reçu un prix, Jerry Lewis, mais on s'est vague. On fait ça dans la chronique, dans les différentes chroniques de Téléthon. Ouais. Où on parle de chaque Téléthon qui existe. Exactement. Donc, c'était Jerry Lee Lewis avec la pièce Great Balls of Fire. Une pièce qui a enregistré en 1956, qui lui, donc, a donné le succès incroyable. Faut dire, à cette époque-là, on tombait avec des grands succès, avec peut-être deux ou trois pièces qui étaient bien importantes. On en faisait plusieurs, mais il y en a surtout très peu qui sont quand même restés dans les mémoires des gens. Et d'ailleurs, cette pièce-là, Great Balls of Fire, se retrouve à peu près au numéro 90 du top 500 des meilleures pièces de rock and roll du Rolling Stone magazine qui est paru il y a à peu près 10 ans de cela. C'est une nouvelle version, on sait que c'est plus années 2000 et tout, moins bon, mais en tout cas, ça sera une autre chronique. Yep. Peut-être que tu trouveras ça bon dans 40 ans. Ça. Ouais, ça se peut, mais en même temps, Beyoncé, je pense pas trouver non, ça jamais. C'est pas du rock, bon. Ça. Non, c'est pas du rock, mais ça se retrouve dans le top des 500 meilleures chansons de rock. C'est donc rendu n'importe bizarre. Quoi, Rolling Stone, non? C'est, ben oui, puis non, parce qu'il y a quand même, ils gardent les grands classiques, mais ils ont essayé d'imprégner ça des nouveaux hits M.I.A., Gnarls Barkley, des choses comme ça qui sont, selon moi, c'est trop tôt. Là. C'est vraiment c'est loin d'être du rock. C'est très loin d'être du rock, mais en même temps, qu'est-ce qui est encore du rock aujourd'hui? On dit que Radiohead est le dernier groupe de rock et que Nirvana était la dernière grande légende du rock and roll. Ça serait derrière nous, selon plusieurs experts. Mais je suis pas sûr que notre grand expert ici, Alain Lefebvre, serait d'accord avec moi. Mm-hmm. Et je suis pas nécessairement d'accord non plus avec tout ça. Mais bref, revenons à Biographie du rock, phénomène. Oui, JLL. JLL avec Jerry Lee Lewis, exactement. Contrairement à J-Lo, qui est sûrement peut-être dans le top 500. Ah non, elle n'est pas là. Au moins. On peut être content. Maintenant, on est rendu à la partie du scandale. Justement, je vous disais qu'il y a eu un gros scandale qui a un peu saboté sa carrière. Une des choses pour laquelle Lewis est connu, c'est le fait qu'il a marié sa cousine Germaine. Donc, c'est pas sa cousine immédiate. Ce qu'on dit en anglais, c'est la cousine du premier degré séparée. OK. C'est comme de la fesse gauche, mettons? Ouais, de la fesse gauche. C'est, dans le fond, il y a une parenté avec un oncle ou une tante, mais quand même assez éloigné. Donc, je suis allé voir sur Wikipédia, il y avait un genre de diagramme assez complet de toutes les parentés que tu peux avoir. Là, c'est assez intéressant. Okay. Je vous invite à aller visiter le tout. Mais bref. Il n'y aura pas de disformation, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est ça, exactement. Il y a moins de danger. C'était un troisième mariage. Et quand il s'est marié, il n'était pas encore divorcé. Mais le fait de marier sa cousine aux États-Unis, ça peut paraître quand même assez banal. Sauf qu'en Angleterre, c'est assez touché. Et en plus, si la cousine en question a 13 ans, c'est encore pire, alors que lui était dans la vingtaine avancée. Là, uh-huh. Donc, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport d'Heathrow en Angleterre, les journalistes en fait connaissaient ou ont été mis au fait qu'il venait de se marier avec sa jeune cousine de 13 ans ont répandu la nouvelle et ça s'est répandu comme feu aux poudres. Voilà. Traînée de poudre. Traînée de poudre, ouais, plus. Traînée de poudre, ça a fait long chemin, des fois. Ouais, je pense plus que. En tout cas. il y a eu des manifestations populaires lors de ses concerts, des gens qui le traitaient de salaud, qui vraiment, donc, n'aimaient plus Jerry Lee Lewis. Et ça a un peu déjà brisé sa carrière. Lorsqu'il est revenu aux États-Unis également, ça s'est mis à mal aller. Il continuait à faire des disques chez Sons, mais il disait que la compagnie elle-même lui mettait des bâtons dans les roues en essayant de faire des concepts de retour sur scène de Jerry Lee Lewis. Il est quand même passé de gros concerts à 10 000 $ par soir de cachet à des petits concerts dans des bars minables à des cachets de 250$ par soir. Donc, c'est vraiment pas super. Mais il continue à enregistrer chez Sons et son contrat s'est terminé en 1963. Il n'a pas réussi à revenir comme il était dans les années 50, malheureusement. Et la seule gros succès qu'il a eu par la suite, c'est l'enregistrement de la pièce What I Say de Ray Charles chez Sons. Donc, c'est un peu la version blanche, c'est-à-dire qui passait à la radio et donc qui était achetée par les Blancs, même si c'était une musique qui était généralement moins bonne. Mais Jerry Lee Lewis, par contre, qui avait beaucoup de soul dans sa musique. Mais bref, en 1963, son contrat se termine chez Sons. Sa popularité, dis-je, a repris un peu en Europe au milieu des années 60 grâce à un album live en Allemagne. Ça a repris surtout en Angleterre et en Allemagne, justement, qui sont l'Allemagne est férue de rock'n'roll. C'est incroyable comment que les Allemands aimaient le rock au début des années 60, un peu en Angleterre, même chose. Donc, en 1964, ça lui a permis de revenir un peu plus populaire, mais il a décidé de se mettre au country. Donc, public sûr où t'es sûr que tu vas vendre beaucoup d'albums. Donc, c'est un peu une façon pour lui de rester populaire. Et également, fait intéressant sur lui, c'est que Lewis était un chrétien convaincu. Comme je disais, ses parents l'ont enrôlé à une école baptiste et tout. Il croyait sincèrement que sa musique était celle du diable et que celle-ci allait le mener en enfer. Et il n'hésitait pas à le dire. Même des amis baptistes lui avaient demandé « Tu joues-tu toujours la musique du diable? » Il dit « Oui, je continue, mais c'est bizarre parce que la musique du diable est devenue la musique des églises, c'est-à-dire un peu le gospel rock qu'on peut trouver dans certaines églises. Mais moi, je vais aller en enfer, mais eux, ils n'iront pas parce qu'ils font ça à l'église. » Et d'ailleurs, il aurait fait la leçon à Johnny Cash alors que ce dernier fréquentait June Carter, comme on a pu voir dans le film Walk the Line, pour ceux qui ont vu, tout simplement dans la vie de Johnny Cash. C'est-tu Reese Witherspoon? Oui, Reese Witherspoon, exactement. Fait que quand il sortait avec Reese Witherspoon. Oui, mais qui était encore marié à sa première femme, ce cher Johnny. Et Jerry Lee Lewis faisait la leçon alors qu'eux faisaient des tournées communes et donc ils voyageaient dans la même voiture et Lewis était quand même assez strict là-dessus. Il fait toujours de la musique encore aujourd'hui, lui qui va avoir 75 ans, donc très bientôt. Et d'ailleurs, il prépare un nouvel album qui devrait paraître, j'imagine, dans les alentours de son anniversaire. Il devrait avoir Eric Clapton, plusieurs collaborations célèbres là-dessus. Et d'ailleurs, il y a quelques années également, il avait réenregistré ses grands succès avec des artistes, donc un peu des disques duo, comme on sait si bien le faire au Québec. Et bien, Jerry Lee Lewis également est capable de se lancer là-dedans. Bref, c'est pas mal ce qui ferait le tour de Jerry Lee Lewis. Je me dis, est-ce qu'on a le temps pour aller écouter une dernière pièce du genre « Whoa, la la shaking going on ». Oh oui! On va se shaker le bonbon. Mais oui. Ricky Martin, est-tu sur la liste? Je pense que non. Faudrait que je vérifie, par exemple, parce que je suis pas sûr. Parce qu'il va falloir faire quelque chose pour le mettre là-dessus. Ben oui. C'est ça. « Whoa, la la shaking going on » tout de suite à Assemblage Rock. Et puis après ça, on va dire au revoir à ça. Mais puis plugger. Yes, I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking it. Oh, lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Well, I got the bull by the horn. We ain't faking it. I said shake, baby shake. I said shake it, baby shake. I said shake, baby shake. Come on over. Oh, you can shake it one time for me. Get a hell of a hussy, come on over, baby. Oh, Lord, shake it, going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got it. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Come on, baby, shake, baby, shake. Come on, love. Oh, a lot of shaking going on. Beaucoup de shaking qui se produit. Oui, ouais. Qui se produit, j'aime ça. Mais c'était Wall, Lot of Shaking Going On, oh yeah, de Jerry Lee Lewis. Succès qui se retrouve dans les top 60 des 500 meilleures pièces de rock and roll. Donc, plus big que Great Balls of Fire. OK. Donc, voilà, c'était Jerry Lee Lewis, son phénomène, sa biographie phénoménale. Dans la chronique phénomène, c'est pour ça que tu dis phénoménal. Ouais, exactement. Non, je considère pas que c'est nécessairement génial, mais. Ta chronique, tu l'as nommée phénomène parce qu'elle est vraiment hot, tu sais. Non, c'est vraiment pas pour ça. Non. Bon. Donc, phénomène va être de retour la semaine prochaine, jeudi vers les 8h. Mais ouais. Toi, t'as d'autres choses qui se passent assez fou parce que tu es un homme omniprésent. Et effectivement, ben, c'est le début de mon émission, mon bébé à moi, ce soir de 21h. Des contractions qui se font très, très solides en ce moment. Ça se passe quand même assez bien. Non, ça se passe bien. Première ce soir de la saveur du moment. On va vous présenter entre autres du King Dingray, du Bats. Également, Arcade Fire va venir faire un tour avec une petite pièce. Également, on va écouter une pièce du nouvel album, en fait, du premier album solo du batteur de Radiohead. Également, on va décortiquer pour vous l'album Odyssey and Oracle des Zombies. On va avoir ça, une petite chronique autopsie d'un album pendant cette émission de 2h, la saveur du moment à 21h ce soir. Je vous invite à être là et ça va être très relax, ça va être très convivial. Chill. Je pense que ça va bien aller, ça va être une bonne émission. Le concept, c'est vraiment de la musique pas mal choisie. Ouais, choisie. C'est ce que j'écoute en fait dans le moment et j'essaie de sélectionner le meilleur de ça et aussi donc de vous préparer un peu c'est-à-dire des accompagnements. Vous expliquer un peu c'est quoi, faire des liens entre les pièces aussi, si possible. Ça s'en vient pas trop pire, honnêtement. Est-ce que t'as un thème culinaire, genre, tu vas avoir une collation là-dedans? Puis ça aurait été une bonne idée. Pas pire, hein? Je vais voir peut-être pour l'avenir, on va peut-être faire ça. Un petit bonbon. Ouais. Chaque bonbon. On disait tantôt. Il n'y a pas de Ricky Martin dans ton émission ce soir non plus. Non, vraiment pas. Zut. La saveur du moment, ça commence ce soir, jeudi, oui. À 21h. Effectivement. Et on te retrouve évidemment dans Dîner de con avec Danny Janvier tous les... Ben, c'est pas encore... Pas encore commencé. Non, c'est pas encore commencé. Émission rock classique avec Alain Lefebvre. Avec Alain Lefebvre à 11h. De 11h à midi, on fait les éphémérides du rock. Voilà, bon. J'étais à une journée de distance. Quand même, parce que... merci beaucoup, Simon Fitzbé. À la semaine prochaine. Merci, Simon. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Olivier et de Mathieu Plante. Et on va aller écouter une pièce du palmarès francophone que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment excellent. Tu me diras ce que t'en penses. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Vas-y. Peut-être. C'est Les Bébés Roquins. Voici Discothèque au 89.1 FM. C'est fou. danser. Avec Sifu désire t'envoyer à Chicago au Rock'n'Roll Fantasy Camp pour pratiquer, enregistrer et performer avec de vrais rockstars. Pour t'inscrire au concours, visite le site des boutiques Detox au d-tox.com. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Ouais, toujours Assemblage requis, j'allais dire. J'allais faire parler François, je me suis dit après ça, c'est déjà la voix de François, ça a l'air bizarre, hein? Oui. C'est ça. Merci Mathieu. Même ça se passe dans le temps des fêtes, je trouve. Ça y est. Commence de bonne heure. Non, mais sérieusement, il y a déjà les décorations d'Halloween. Hein? Ah, j'en ai pas vu, moi, cette année encore. Ouais, j'en ai vu. Ouais. Je suis allé dans certains magasins dont je ne nommerai pas le nom et ouais, c'était déjà plein à la fin du mois d'août. Mm-hmm. Fait que Noël est pas très très loin dans ce temps-là. Hein? Tout de suite après l'Halloween, le lendemain, les décorations. Je dirais même la journée d'avant dans certains magasins, c'est incroyable. Genre une demi-rangée d'un bar, c'est l'Halloween, l'autre bar, c'est Noël. Ouais. C'est deux fêtes qui vont bien ensemble, hein? Vraiment. OK, là, c'est l'heure d'être sérieux. C'est le moment d'arrêter de parler de Noël. / Halloween. Halloween. Et de se lever tous debout, ici en ce moment. Et personne ne le fait jamais quand je le demande, mais quand même. Pour l'honorable François Landry. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Salut François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour François. Attends, je t'entends mal François. T'es-tu congestionné? Non, c'était arrêtez. Ma petite blague du matin. Mm-hmm. Fais-tu une collection de Kleenex? Ah, j'essaie là. Ouais, tu vois pas Mathieu, toi, ben, y a un monticule de Kleenex de l'autre côté du micro. Une chance que je vois pas ça. Moi, une chance, c'est une chance pour toi. C'est pas très chic-chic. Au moins, il varie les couleurs de tes Kleenex. Il y en a des roses. Oh, non. Le cancer du sein, pour ceux qui se mouchent le sein. Donc, François Landry, oui. La chronique Logographie 101, oui. Qui parle de langue de bois, rappelons le concept de ça. C'est comment l'expliquer, déjà? C'est des gens qui disent des choses pour essayer de tromper les gens. Non, pas nécessairement tromper, mais pour réconforter les gens, pour ne pas qu'il y ait un retour, un rebound politique envers eux. Donc, c'est l'art de dire n'importe quoi pour contenter le peuple, tout simplement. Et ici, on a aujourd'hui dans ma chronique deux exemples patents de langue de bois, mais par extension, donc de logocratie vraiment à la plus... subtile. Oui, si on veut. Je reviens sur la partielle de Saint-Laurent. Donc, ça a fait la une des manchettes dans le cahier C des arts et spectacles de certains journaux, parce que... Avec le téléhoraire. Je crois que oui, à peu près. Oui, il y a eu une partielle lundi passé à Saint-Laurent, donc dans le nord de Montréal. Dans le nord, oui, par extension. C'était dû à la suite de la démission de Jacques Dupuis, donc le leader parlementaire, celui qui se levait en chambre pour engueuler tout le monde. Là, on le voyait très bien lors de la dernière session. Il se levait, puis t'sais, sûr de lui, qu'il était aussi ministre de la Sécurité publique à l'époque. Donc, un fier, bouncer. Ouais, il avait l'air de bouncer avec son petit pinch. Puis, c'est la police du gouvernement. C'est exactement ça. Le leader du gouvernement, c'est le chien de garde, le berger allemand du gouvernement. C'est lui qui se lève en chambre pour attaquer l'autre parti ou pour défendre son propre parti. Donc, c'est pas le chef Jean Charest, Pauline Marois ou Gérard Deltel qui se lève. C'est le leader parlementaire. C'est son rôle. Dès qu'il y a quelque chose, une injustice, une dérègle, on sort des règles parlementaires, c'est lui qui se lève qui se met à engueuler l'autre. C'est lui qui peut engueuler le président de l'Assemblée ou se faire engueuler par le président. Mais avec Yvon Vallière, on se fait pas engueuler, on se fait endormir par le président. S'il vous plaît. T'es trop enjoué, collègue. Oui, donc il y avait une partielle dans Saint-Laurent et c'est Jean-Marc Fournier du Parti libéral qui a gagné. Jean-Marc Fournier qui a déjà été ministre de l'Éducation au Québec pendant la grève étudiante de 2005. C'est lui qui a été rappelé en renfort pour remplacer Pierre Ride pour régler le problème parce que lui, c'est un homme sans concession. Il s'assoit, il est prêt à patienter jusqu'à temps que l'autre cède. Et donc, il avait d'ailleurs été catapulté là la journée avant que les étudiants tombent en grève. Exactement. Donc, le 15 mars et la grève étudiante historique, c'est le 16 mars 2005. Une belle époque. Oui, je m'en souviens. Et puis, donc, c'est ça, Jean-Marc Fournier qui est vraiment le pire que Jacques Dupuis, mais beaucoup plus subtil. Donc, on verra si vraiment c'est un chien de garde ou un chihuahua, tu sais, qui jappe très fort, mais qui mord jamais. On verra lequel des deux canins on va pouvoir lui attitrer comme animal de scout, là, le totem. Oui, c'est ça. Donc, on verra bien. Donc, c'est Jacques Dupuis, oui, qui a été rappelé d'Ottawa, parce qu'il était déjà conseiller pour Michael Ignatieff. Donc, il était stratège du Québec pour Michael Ignatieff à Ottawa. A été rappelé, a été nommé ministre avant même d'être nommé député. Donc, ça se fait en démocratie parlementaire britannique, d'où on s'inspire. Et puis, bon, Jacques Dupuis qui a gagné avec 64% des votes de sa circonscription. Pas Jacques Dupuis. Excuse-moi, oui, lapsus. Le libéral, on pourrait mettre n'importe quel, on pourrait mettre un poteau qui gagnerait avec autant de pourcentage. Les libéraux étaient très forts dans cette circonscription-là. Exactement, parce que c'est une circonscription très hétéroclite, donc beaucoup d'ethnies qui, eux, habituellement, c'est plate à dire, mais sociologiquement parlant, ils votent toujours côté fédéral. On les comprend, ils viennent ici au Canada, c'est le Canada qui les accueille, c'est pas le Québec. Immigration au Canada, c'est ça. Exactement, donc ils ont leur citoyenneté canadienne avant de savoir qu'il y a un concept qui s'appelle nationalisme québécois. Donc ça, avec le temps, ils le découvrent, parce que s'ils écoutent TVA, c'est sûr qu'ils vont le découvrir. Mais donc, on pourrait mettre n'importe qui, il se fait élire pour les libéraux. Malgré que la Gazette de Montréal avait dit à ses lecteurs, ne votez pas libéral, votez du moins ADQ. Donc c'était José Forio, qui est un Péruvien, ça fait 30 ans qu'il est au Québec, donc un qui est beaucoup plus proche de la base électorale, donc il provient d'un pays qui parle 5 langues, qui a réussi sa carrière en étant un chef d'entreprise, donc le portrait type du gars qui émigre et qui réussit sa vie. Donc, mais il a quand même fait un bon pourcentage, José, il a fait 8,4%. L'ADQ, habituellement, quand ça joue en bas de 10%, c'est un bon score. Quand c'est en haut de 10%, ça marche pas. Il y a quelque chose qui cloche là. Eh ben, l'ADQ est pas fort. Ils ont déjà été. Ouais, ben ça, c'était comme une excroissance de la démocratie au Québec. En 2007 que tu parles, il y avait eu 41 députés. C'était vraiment exceptionnel parce que le monde ne s'était pas déplacé à aller voter. Et ceux qui ont été votés, c'est ceux qui étaient fâchés contre le gouvernement. Donc, ils n'ont pas voté pour l'ADQ, mais contre le gouvernement. Et ils ne voulaient pas avoir André Boisclair, chef du PQ non plus au pouvoir. Donc, c'est un vote de contestation qui a été conclu par l'élection massive de députés adéquistes en 2007. Mais en 2008, peu de temps après, on a vu la vague qui a été, donc la normale, entre guillemets, est revenue dans le paysage politique. Maintenant, ils sont trois, c'est bien ça? Ils sont quatre. Ah, quatre. Quatre, oui, dont il était six. Il y en a deux qui sont devenus indépendants, Éric Kerr et Marc Picard. Maintenant, ils sont quatre. Il reste Deltel, Janvier, Roy et Bernardelle. Mm-hmm. Donc, les quatre piliers de la DQ sont au, sont au pouvoir, sont à la chambre présentement. Mais est-ce qu'il pourrait, est-ce que ça pourrait revenir, cette vague-là? Somme, François, je vais te revenir là-dessus okay, à okay. mi-octobre. Okay, pas, parce que, okay. Non, non, parce que le 23 octobre prochain, il y a un genre de Tea Party québécois qui va se réunir. Non. Donc, chez ici, Simo, ça, ouais, ça, ça a l'éclair dans les yeux. Ah, je les aime. C'est le réseau Liberté Québec. Donc, tout ce qui s'appelle à la droite de l'ADQ. Donc, moi, je me plais à dire l'extrême droite québécoise, ouais, ça, ouais, les presque fachos, là, ben, je pourrais pas le dire. Ils vont se réunir pour juste discuter et créer un mouvement. Il y a des libertariens là-dedans, des adéquistes, des, même des libéraux qui sont curieux d'y aller. Donc, tout ce qui s'appelle la droite, puisqu'il y a un champ libre à la droite présentement. À gauche, c'est occupé par Québec solidaire et par l'aile progressiste du PQ. Mais à droite, il y a les libéraux qui sont au centre, droite, gauche, tout dépendamment des sondages. Ouais, c'est ça. L'ADQ qui était très à droite et là, se sont recentrés pour plaire à une certaine base électorale. Et là, il reste la droite conservatrice traditionnelle. Elle est où, elle? Donc, ils vont se réunir le 23 octobre. C'est pour ça que je vais faire une chronique spéciale okay. là-dessus, juste pour voir si l'ADQ peut mourir, fusionner ou ressurgir. J'ai bien hâte de voir ça, moi aussi. Moi aussi, j'ai bien hâte. J'ai des frissons quand je pense. Donc, pour revenir à l'élection partielle, le temps file, quand je te disais qu'il y avait une preuve de logocratie là-bas, c'est dans les journaux que ça a paru. Et même dans le langage du gouvernement de Jean Charest. Parce qu'ils ont dit, Jean-Marc Fournier, 64%, on se pète les bretelles, on est fort, le parti va ressurgir. Mais est-ce qu'on a regardé combien de pourcentages de population ont été votés? Ouais, taux de participation est très, très faible. Et le plus faible dans l'histoire d'une partielle, c'était 22% de participation. OK? Donc ça, sur les 52 000 électeurs inscrits, seulement 11 000 se sont déplacés pour aller voter. Donc si on calcule, Jean-Marc Fournier, 64% de 22%, c'est pas beaucoup. C'est 13% là. De la population de Saint-Laurent qui ont été votés, qui ont voté pour lui. Donc, est-il légitime? Donc, 10%, là, c'est une personne sur 10 qui vote pour quelqu'un. Mais c'est pas un peu pas choquant, mais apeurant de voir ce qui arrive, 22% là. Et il y a eu une élection partielle également cet été, qui est, entre autres, il y avait Simon Pierre Diamond, l'ancien adéquiste, maintenant libéral, qui a décidé d'aller faire la rue comme ses autres amis. Donc, transfuge, non, mais bref. Lui aussi, c'était une élection, il a été battu, mais c'était une des élections où c'est qu'il y avait eu un des très, très faibles taux de participation, des plus faibles même de l'histoire aussi. Dans les partiels, ça galvanise moins la population parce que c'est concentré dans une circonscription, donc les médias couvrent moins la chose. On n'en parle pas vraiment. Exactement, donc c'est les poteaux qui parlent plus que la télévision, la radio, les journaux. Est-ce qu'on se déplace? Ici même à Trois-Rivières, si jamais on allait en partiel, est-ce qu'on aurait un taux de participation qui est quand même... À Trois-Rivières, on est chanceux, il y a un taux de participation de 70% habituellement. On se tient ici, on va voter. On y va voter. Malgré 70%, c'est très faible, mais on va quand même voter. Mais dans une partielle, j'aimerais bien savoir, je veux pas la démission de Daniel Saint-Amand, évidemment, mais j'aimerais voir vivre une partielle ici dans la région pour voir si vraiment la population, si on fait du 10-15%, c'est la norme au Québec pour une partielle dorénavant. Parce qu'on sait qu'au général, c'est maintenant 50% de la population. Donc sur 8 millions, il y en a là-dessus 5 millions qui sont éligibles pour aller voter. Ça veut dire qu'il y en a juste 2,5, 2,3 qui vont voter. Donc la démocratie, elle est malade au Québec. Ben c'est ça, les gens, ils disent qu'ils croient plus en rien, ils font plus confiance, mais ils vont pas voter. Oui, mais c'est ça qui... J'ai une petite phrase de Jean Charest ici qui va résumer pourquoi les gens vont pas voter. Jean Charest, un journaliste lui a demandé le taux de participation très faible, et lui, tout ce qu'il a, comme génie politique, a réussi à dire, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Mmh. Tu sais, au lieu de dire, effectivement, on va faire des efforts, on va réformer le mode de scrutin, on va réformer la carte électorale, on va réformer le discours politique. Non, non, on dit, gars, c'est comme, c'est ça qu'ils ont. Faut faire avec. Trouver des moyens, je sais pas. Il y en a des moyens qui sont sur papier présentement. Un autre dossier qu'il va falloir suivre, ça a été déposé hier, donc à suivre dans les prochains jours, la réforme de la carte électorale. Donc, la circonscription de Trois-Rivières a été modifiée. Ceux qui habitent Trois-Rivières-Ouest, qui votaient pour Masquinongé, vont maintenant voter Trois-Rivières. Et le secteur des Forges, qui devait être séparé de Trois-Rivières, va rester avec Trois-Rivières. Donc, ça change, grosso modo, de 10 000 votants à Trois-Rivières, grosso modo. Au lieu de Masquinongé, ils votent à Trois-Rivières. Mais dans d'autres circonscriptions, il y en a qui disparaissent carrément. Et la semaine dernière, j'ai terminé avec ça. Claude Béchard, qui est malheureusement décédé, avait sa circonscription Rimouski-Témiscouata. Elle va disparaître. Qui va la remplacer? Puisqu'elle a été séparée en deux. Donc, les deux circonscriptions voisines vont amalgamer cette population-là. Donc, on perd dans les régions un poids politique et Montréal en gagne. Donc, plus de circonscriptions à Montréal, des fois, c'est juste un quadrilatère de maison qui forme une circonscription parce que la moyenne, c'est entre 46 et 50 000 électeurs par circonscription. Donc, il faut conserver ça. Et à Montréal, il y a 3 millions de population. Donc, pas le choix d'un moment donné rétrécir les circonscriptions. Et comme au Québec, Ungava et Duplessis, c'est les deux plus grosses circonscriptions. C'est tout ce qui s'appelle en Haut-Chibougamau. Donc, c'est énorme comme territoire. Un député pour des millions de kilomètres carrés de territoire, sauf qu'il y a 20 000 habitants. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de population. Donc, et même les îles de la Madeleine, c'est tout petit. Ils ont un député. Ils n'ont pas le choix d'avoir un député. Sinon, il n'y aurait personne. Ils seraient en Gaspésie puis ils feraient la navette. On s'entend que côté logistique, ça fonctionne très mal. Donc, la partielle, on revient là-dessus. Jean-Marc Fournier, donc le Parti libéral qui n'a pas trop perdu plume. En cette date-ci, le PLQ détient 65 sièges à l'Assemblée nationale, le PQ 51 sièges, donc on voit que c'est quand même assez serré. L'ADQ 4, Québec solidaire 1, 3 indépendants et 1 vacant. Un vacant, c'est Claude Béchard qui est décédé, il va falloir le remplacer éventuellement. Et il y a 125 sièges à l'Assemblée nationale, ça en prend 63 pour être majoritaire. On s'entend que les libéraux en ont 65 et le président qui ne vote pas, donc il tombe à 64. Donc, ils sont à 2 sièges de perdre la majorité. Donc, il suffit juste qu'il y ait 2 autres démissions ou 2 autres décès. Pas d'autres décès, ouais, c'est ça qu'on ne souhaitera pas, là. Mais juste 2 démissions du port des libéraux et on a un renversement de pouvoir automatique. Ça pourrait leur faire mal, ça. Ça pourrait être néfaste, ça pourrait être la chute du gouvernement parce que les prochaines élections générales sont dans minimum 2 ans. Donc, il reste 2 ans pour tenter de sauver les meubles. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire par les 2 prochaines années? Ils vont juste se mettre sur la défensive totale pour s'épargner au moins une chute brutale du gouvernement. Il faut dire que Mme Marois ne s'en peut plus attendre. Elle trépigne d'impatience, ouais. Mais en même temps, elle trépigne tellement qu'on la voit nulle part. C'est ça aussi. Très, très bon point. En fait, Pauline Marois, je m'excuse, mais elle est où? Elle était en Catalogne récemment, donc pour aller voir les séparatistes catalans en Espagne, pour voir comment ça fonctionne, eux autres, leur autonomie, parce que le gouvernement espagnol leur a accordé une autonomie. Tout comme l'Écosse, par rapport à Londres, ont un gouvernement autonome, et c'est juste l'armée, le commerce international, qui est gouverné, qui est régi par la capitale. Donc, Pauline Marois voudrait s'inspirer peut-être du modèle catalan, ou même basque, à la limite, ou autre, parce qu'on sait qu'en Espagne, il y a 3 régions qui veulent se séparer de l'Espagne. C'est un autre dossier épineux. Ici, au Canada, il y en a une, puis ça fout le bordel. Mais elle voudrait s'inspirer. Donc, oui, elle était en Catalogne pour voir ça, et précédemment, elle était tout simplement en vacances. Elle se disait sur le terrain, mais j'ai pas vu aucun fil de presse, aucun article disant que Pauline était sur le terrain. Donc, on va lui laisser le bénéfice du doute, OK? Sur le terrain de camping. Penses-tu vraiment qu'elle fait du camping, madame? Non, dans un château, peut-être, avec 3-4 pages qui suivent. Il y a le nouveau concept du glamping, hein, où c'est qu'on te loue des gros chalets luxueux et tout. Donc, peut-être qu'elle était là. Ça, ouais, peut-être. Est-ce qu'elle connaît ça? Déjà qu'avec son anglais, c'est pas fort. Donc, elle doit pas connaître le concept. Ouais. François David le connaît, par contre, je l'ai entendu. Oui, mais cet François, été c'est une femme tellement ça. Géniale. Donc, on s'en parlera une autre fois. Tu fais du camping en jaquette. Bref. Ah ouais. Elle veut être très proche du peuple. Donc, qu'est-ce qui attend les libéraux? Je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qui attend les libéraux pour la prochaine session? Parce que c'est mardi prochain, le 21 septembre, que la session parlementaire recommence. Et Jean Charest, habituellement, quand on tombe en période estivale, c'est les vacances, on repart à zéro, on remet les compteurs à zéro, on repart en neuf. Mais malheureusement, cet été, il y a une commission qui s'est appelée commission Bastarache, qui s'appelle plutôt le procès Bellemare, qui a donné beaucoup de jus à chaque parti d'opposition et même à la population. Et il y avait eu un sondage cet été qui disait que 12% des Québécois seulement voteraient pour Jean Charest. Donc 12%, là, on s'entend que c'est affreux, c'est le fond du baril. Donc qu'est-ce qui attend les libéraux? La dernière session a été dominée par l'opposition. On s'en rappelle tous que Jean Charest était assis et il faisait qu'encaisser les coups. Ça a amené à la démission de Tony Tomassi, donc du Conseil des ministres. Il est maintenant indépendant, mais il a toujours dit qu'il aurait un PLQ tatoué sur le cœur. Donc, on verra si Jean Charest voudra le réintégrer. Ça me surprendrait. Il y a eu le leader du gouvernement, Jacques Dupuis, qui a été en grande partie responsable de l'acrimonie qu'il y avait à l'Assemblée nationale avec Stéphane Bédard, son opposant, son vis-à-vis du PQ. Donc, a démissionné. Donc, le climat devrait s'apaiser. Et aussi, Jean Charest a remanié son cabinet. un remaniement très mineur, mais quand même un remaniement. On va voir des nouveaux visages à des nouveaux postes, mais on ne verra pas de tout, des nouveaux visages tout simplement. Donc, il n'y a aucun député qui a pris du galon. Il y a la commission Bastarache. On l'a vu cette semaine avec la saga des crayons, des stylos de Marc Bellemare, qui est un pavé jeté dans l'eau, tout simplement, ou une goutte d'eau dans l'océan. Ou, pour ce que ça donne, en pour fait. Pour ce que ça donne, exactement. Donc, il continue jusqu'en décembre. Donc, pendant toute la session parlementaire, on verra Jean Charest sur la défensive à l'Assemblée nationale par rapport à ça. Ça continue jusqu'à quand? Décembre. Comment ça? Le mandat, il devait être jusqu'en septembre. Sacrifice! Bon, on s'entend que ça prend du temps. En ce jeudi, Marc Bellemare va retourner, alors qu'il ne devait pas retourner plaider. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de... Non, c'est pas le plein. Décembre, c'est et très si loin. Si c'est décembre, je suis optimiste. Oh, ouais, c'est moi, ça. D'après moi, c'est en février-mars. Si. Et le rapport, on va l'avoir en septembre prochain, donc dans un an. Donc, à une année des élections. À suivre. Donc, le PQ aussi qui va continuer à talonner le Parti libéral sur un code d'éthique. Ça fait des années qu'on en parle. On veut un code d'éthique justement pour obliger les députés à prêter serment de bonne foi sur « je ne ferai pas de conflit d'intérêts, je vais servir la population et si je me fais pogner, out ». Tout simplement. Présentement, c'est une petite tape sur les doigts. Recommence pas, mon grand. On te passe sous silence. Pars en vacances. Là. Dis-toi que tu veux t'occuper de tes enfants puis de ta femme puis tu reviendras dans un mois. C'est ça, présentement, le code d'éthique. Mais il n'y en a pas, le code d'éthique. Il y a la loi 103 aussi qui s'en vient. On avait jusqu'au mois d'octobre, le gouvernement avait jusqu'au mois d'octobre pour parler de la loi 103, réagir. La loi 103, c'est les écoles passerelles. Donc, des immigrants ou des fils, filles d'anglophones qui font leur secondaire en anglais pour aller faire leur cégep université. Et dès qu'eux autres ont accès, la famille, tu sais, ça rouvre une porte. Au complet. La famille peut faire leur éducation en anglais via des écoles privées non subventionnées, donc en dehors du cadre du ministère de l'Éducation. Donc, c'est une entache à la loi 101 qui dit qu'au Québec, tout se passe en français. À la maison, vous pouvez parler la langue que vous voulez, mais dans les institutions gouvernementales, c'est en français. Et il y a aussi les gaz de schiste qui le gouvernement pensait pouvoir régler ce dossier-là facilement. Bon, on voit qu'il y a une opposition de plus en plus farouche et des intellectuels et de la population par rapport au procédé et à l'exploitation du gaz de schiste. Donc, c'est un dossier qui va peut-être miner un peu les libéraux. Normando, la ministre des Ressources naturelles, qui talonne jour après jour les bienfaits de l'exploitation, mais elle est seule dans son... Les bienfaits, les méfaits sont... non, il n'en existe pas. C'est, pas selon Normando. C'est bizarre. Mais partout ailleurs, c'est le contraire. Il y a juste des méfaits, il n'y a pas de bienfaits. C'est donc, ça. C'est voir qui sera le plus crédible dans la population. Mais bon, on verra ce que nos élites gouvernementales voudront bien décider. On verra. Donc, c'est à suivre. Et pour le Parti québécois, congrès au mois d'avril. Et dans le congrès, habituellement, c'est un vote en faveur du chef qu'on fait. Donc, un vote de confiance. De sources très, très sûres. C'est pas sûr que Pauline reste. C'est pour vrai. Sûr, oui. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres non plus, par exemple. Il y a plusieurs dauphins, mais personne qui se démarque. Personne ne se démarque. C'est le problème, je pense, du... Pierre Curzi se démarque pas mal. Pierre Curzi, très populaire dans les sondages parmi la population. Et Bernard Drainville, qui était très fort à la santé, au dossier de la santé, a été muté aux affaires intergouvernementales. Donc, il va parler de souveraineté. Et on sait que la souveraineté n'est pas très populaire ces temps-ci au Québec. Donc, est-ce que c'était parce que Drainville est très fort pour négocier avec Ottawa? Peut-être. Je vais laisser le bénéfice à Mme Marois. Ou parce qu'il était trop gênant pour Marois. C'est peut-être trop populaire à l'interne parce que Drainville, c'est un ancien journaliste très charismatique qui connaît ses dossiers à la santé, qui a fait une très belle job. Il a failli pousser Bolduc à la démission. Et aussi... Puis il est connu, là. Très connu, effectivement. Et à l'intérieur du parti, très aimé. Et il y a Pierre Curzi qui est... Mais il y a aussi un dauphin qui vient d'ailleurs de célébrer ses 20 ans de vie politique à Ottawa et donc qui peut-être se dirait que c'est assez et qui pourrait faire le bon. Ouais, je sais pas après. J'ai entendu en entrevue qu'il attendait toujours l'appel. Ben, s'il fait comme la dernière fois, dire oui, 24 heures après, dire non, il s'est tiré dans le pied en faisant ça. Je ne croirais pas que le Parti québécois lui permettrait une deuxième chance. À moins que ce soit entendu avec. Tout est possible en politique, c'est clair, tout est possible. Donc, on surveillera ça. Et donc, c'est ce qui est sur le menu présentement à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, en politique, tout peut arriver n'importe quand. Donc, mardi, ça pourrait tout chambouler avec un nouveau dossier. Donc, on verra ce qui va popper dans la tête de nos chers politiciens. Ouais, et on en parlera jeudi prochain. Oui, avec plaisir. Dans Logocratie 101, merci beaucoup François Landry. Ça me fait plaisir. Et merci, très intéressant. À la semaine prochaine, absolument, absolument. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On s'écoute un petit peu de Méta Gruau. Voici Tibia Sauvignon, 89.1. C'est bon, vous allez voir. C'est un classique pour moi. Bien Sauvignon de Méta Gruau à Assemblage Requis. Simon voulait une chronique CNX. Je vais y faire plaisir. On va faire ça vraiment vite, par exemple. Oui. On prend des risques, là. Oh, faut pas qu'on défaut. Enfin, il n'y a pas vraiment de thème, là. OK, donc c'est le power, comme on appelle d'habitude quand on n'a pas de thème, c'est le power parce qu'on fait sur un bloc puis il sort n'importe quoi. Bon. Premier sujet, vous avez tous remarqué la nouvelle interface de Google où tu tapes un mot puis ça apparaît tout seul. Oui. Vous avez tous vu ça, c'est parfait. Il y a aussi Bing Instant maintenant. Pour ceux qui utilisent Bing, allez sur binginstant.com et ça cherche sur Bing, puis il y a même des petits graphiques à la Google dessus. C'est comme un genre de mélange, c'est pas cool. Cute. Une autre affaire que j'ai bien aimé qui ressemble dans le genre, c'est ytinstant.com, YT Instant comme YouTube Instant. Fait que tu tapes dans la boîte de recherche, mettons, je sais pas moi, gadget, puis là, automatiquement, ça se met à jouer un vidéo dans l'écran. Automatiquement, aussi que tu tapes une nouvelle lettre, la vidéo change. Oh! Tu découvres des affaires, c'est pas le fun. YouTube Time Machine, yttm.tv, est-ce que t'as vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Non. Nope. C'est une machine à remonter dans le temps, donc tu peux prendre. Si je peux avoir ma souris ici. Oui, voilà. Tu peux prendre un petit carré. Et le ramener par en arrière, OK? Il y a une timeline d'années entre 1860 et 2010. Tu déménages le petit bloc et ça te choisit une année, 1979, et là, ça te montre des vidéos qui datent de cette année-là. directement. C'est comme un Time Machine sur Mac, là, vraiment avec le même design, les petites étoiles, les petits écrans par-dessus l'autre. C'est super cool. Et puis là, vous pouvez passer aux prochaines vidéos. Et puis ça vous amène à une autre vidéo, toujours de l'année 1979. Tu peux enlever des thèmes. Par exemple, tu veux pas des vidéos sur les jeux vidéo, tu mets à off. T'enlèves télévision, t'enlèves commercials. Ça va te garder des thèmes dans l'année que tu as choisi. C'est génial. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Il va y avoir une collection à la Super Mario All-Stars sur la Wii au Japon. Et j'ai hâte de voir si ça va sortir aux États-Unis. Ça s'appelle Mario Collection Special Pack avec tout plein de jeux de Mario pour célébrer le 25e anniversaire. J'ai trop hâte. Je sais que vous n'avez pas le temps de parler, mais le temps passe vite, là. Aqua Digital Paintings, c'est des peintures de l'art, fait à partir d'éléments de Mac OS 10, OK? Donc, vraiment, t'as l'impression que c'est comme genre des grains des gouttes de pluie, mais finalement, c'est le plus sur certaines fenêtres Mac. Des fois, c'est des bouts de barres de défilement, et ça a vraiment l'air d'être genre de la pluie ou un paysage. Fait que c'est pas très beau, finalement. Ah, come on. Hey, Linux, tu peux même parler Linux, il y a de quoi qui est pas beau, c'est bien Linux. Bon. Y a une page sur smosh.com de 16 gifs animés de Mario. Super cool. Puis là, vraiment, crime, on manque de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous laisser les liens sur assemblagerequis.com. Il y a des musiques composées à partir de Mario Paint, un reportage sur le nouveau Twitter. Oui, très bon. Interface, super génial. Et une imprimante qui imprime de la mousse. Et là, je vais même pas m'attarder aux détails, mais c'est une imprimante qui fait des formes en mousse. C'est de la mousse, comme de vaisselle. Puis là, ça peut partir à voler, ces affaires-là. C'est vraiment malade, je trouve. C'est super le fun. Depuis le temps que j'en voulais une. Ben, je sais bien. Nous, c'est la fin. On se quitte. C'est la fin de la semaine aussi. Donc, on remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Simon Fitzbay, François Landry, François-Olivier Marchand, les filles de On se la joue. Mathieu Blanc. Oui. Et Stéphanie Boilard. Stéphanie Boilard, qui est très fine, mais qui a pas le temps de parler parce qu'on doit aller écouter les nouvelles de Radio-Canada. Donc, on se quitte. Et puis, on se retrouve lundi à partir de 7h. Mais c'est là, Stéphanie, ça va être les mardis à 9h. Avec son émission Le Soleil, lui, pour tout le monde. Passez une excellente journée. Bye bye.